إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد شرع الله الشرائع وحد الحدود وبين الملة أكمل بيان وفاضل بين العبادات فجعل منها أركاناً وجعل منها واجبات وجعل منها مستحبات وحرم أعمالاً وأقوالاً وجعل منها كفراً ومنها كبائر الذنوب ومنها محرمات ومنها مكروهات وحث على معالي الأمور ونهى عن سفاسفها وإن من معالي الأمور وهي من العبادات الجليلة التي فرضها الله فجعلها ركناً من أركان الإسلام بل جعلها شعار الإسلام فلا حظ في الإسلام لمن تركها إنها الصلاة عمود الدين والفارق بين الإسلام والكفر لقد عظم الله شأنها ففرضها من فوق سبع سماوات مشافهةً مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرسل بها جبريل بياناً لعظيم شأنها وكانت من أوائل الأعمال المفروضة على الناس فرضت عليهم وهم بمكة قبل الهجرة ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم شأن الصلاة قولاً وفعلاً وحث عليها وعلى المحافظة عليها بل تابع أصحابه في أدائها وكان يتفقدهم في الصلاة فيقول أشاهد فلان أشاهد فلان فكانت الصلاة هي ملتقى الأتقياء والأصحاب وراحة البال من عناء الدنيا ومكفرة للذنوب من أخلاط الدنيا التي تعلق بالعبد إذا انغمس فيها فكانت الصلاة الراحة وقرة العين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرج الترمذي في سننه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أخرج أبو داود في سننه من حديث حذيفة قال كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فكان يقول أرحنا بها يا بلال أو مصداق ذلك انظر كيف يصلي بالليل وكيف كان مقدار صلاته قراءة وركوعا وسجودا تعلم يقينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة ثم انظر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله كيف كانت اهتمامهم بالصلاة فإبراهيم عليه السلام يدعو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فالغاية الأولى هي إقامة الصلاة ويقول بعدها رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاه والله تعالى يمدح بها إسماعيل عليه السلام، يقول تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وموسى عليه السلام يأمر بها في اللقاء الأول، يؤمر بها في اللقاء الأول، يقول تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والمسيح عليه السلام ينطق بها في مهده، قال تعالى: قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، يقول عن عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولقمان يجعلها في مقدمة ما يوصي به ابنه، يقول تعالى في سورة لقمان في وصايا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عباد الله، لا شك أن عبادة بهذه المثابة تحتاج منا إلى مزيد عناية، إلى مزيد اهتمام. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. عباد الله، سمعنا ذلك الفضل العظيم الذي جعله الله في الصلاة وكيف اهتم بها الأنبياء، وأدعو نفسي وأدعوكم إلى محاسبة النفس في اهتمامنا بالصلاة وكيفية أدائها. هل هي على السنة؟ وهل فعلا أصبحت قرة عين لنا؟ وهل هي مفزعنا عند اشتداد الخطوب؟ للأسف إن الملاحظ أن كثيرا منا لديه تقصير شديد في الصلاة والعناية بها، بل هي حمل ثقيل على البعض والعياذ بالله. ولعلي أضرب أمثلة تقع منا تدل على قلة الاهتمام بالصلاة. فانظر إلى الذين يسهرون في الليل سهرا مفرطا ثم ينامون عن صلاة الفجر، هل عظموا الصلاة؟ وهل الصلاة عندهم أكبر أم الدنيا وشهواتها؟ انظر لمن ذهب لعمل له أو إلى مدرسة أو جامعة، إذا جاء وقت الصلاة كيف يتصرف؟ انظر للمعظم لأمر الصلاة، تجده مباشرة أول مرة إذا دخل في العمل أو إذا دخل في مكان دراسته يبحث عن أقرب مكان يستطيع أن يصلي فيه صلواته، والآخر يقول: لا أقدر أن أصلي في العمل، لا أقدر أن أصلي في الجامعة، أخشى أن أفصل من عملي أو أن أفصل من مدرستي، فسأصلي في البيت في آخر اليوم وأجمع كل الصلوات وأصليها في وقت واحد. ويقول: والله غفور رحيم. والله المستعان، وهذا لا يجوز، لأن الصلوات لها أوقات معينة وخاصة. ويقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لكل صلاة وقت. فهل عظم هذا الذي يقول هذا الكلام أو يتصرف بهذا التصرف، هل عظم الصلاة أم ضيعها؟ نسأل الله العافية. ولتعلم عظيم قدر الصلاة في قلبك، انظر إلى انتظارك لها، هل قلبك معلق بالصلاة؟ تترقب الوقت كل دقيقة؟ هل أنت تستعد لها مبكرا مع الأذان؟ هل تحسن الوضوء لها؟ وهل تحافظ على السنن، سنن الصلاة؟ ثم تعرف قدر الصلاة في قلوبنا، لنعرف قدرها في قلوبنا اسأل نفسك: هل إذا صليت صلاة صليتها وخشعت فيها ودمعت عيني فيها؟ متى كان ذلك؟ هل أنت ممن ينظر إلى الصلاة وأنها مقابلة بين العبد وربه؟ هل تحافظ على الأذكار البعدية للصلاة؟ وماذا يعني لك المسجد الذي تقام فيه الصلاة؟ هل هو مكان خلوتك وطمأنينة نفسك وأداء عبادتك؟ فكر يا عبد الله، المسجد ليس فقط مكان نجتمع فيه مع الأحباب ونتقارب بعضنا مع بعض في بلاد الغربة بعيدا عن أوطاننا الإسلامية، فنتقارب من أجل التعارف. لابد أن يكون في قلوبنا اهتمام لهذا الشأن، لهذا الأمر العظيم الذي هو الصلاة، الركن الأول أو الركن الثاني بعد التوحيد، ركن الصلاة الركن الثاني بعد أركان بعد ركن التوحيد. فمعاشر الإخوة، كم نحن بحاجة لوقفة محاسبة مع النفس تجاه الصلاة. كل واحد منا يحتاج إلى محاسبة لنفسه في هذا الأمر. لا بد من ترتيب الأوراق، فالصلاة شأنها عظيم، ومن حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة المحافظين عليها القائمين بحقوقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، préservez-vous d'Allah. Cherchez la protection d'Allah contre son châtiment, contre son jugement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de protection contre Allah. Il n'y a pas de protection contre son châtiment, excepté dans son adoration et dans son obéissance et dans le fait de faire ce qu'il nous ordonne et de nous écarter de ce qu'il nous a interdit. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné et légiféré des règles. Et il a établi des peines. Et il a clarifié la religion de la façon la plus claire. Et il a préféré certaines adorations, ou bien il a donné à certaines adorations plus de mérite que d'autres. Il a fait que certaines adorations soient des piliers, et que d'autres soient des obligations, et que d'autres soient des choses qui sont recommandées. Et il a fait que certaines actions soient des choses qui sont interdites, et que d'autres soient même des choses qui sont kufr, tandis que d'autres font partie des grands péchés, et tandis que d'autres font partie des choses détestables. Et il a clarifié pour nous, et il nous a incité tout ce qui est bon, et il nous a interdit tout ce qui est mauvais. Et parmi les plus grandes formes d'adoration que Allah Azza wa Jal nous a ordonnées, et qu'il a fait même de cette adoration le deuxième pilier de l'islam, après le pilier du tawhid. Et c'est le pilier qui est même un des symboles de l'islam, un des signes qui distingue entre le musulman et le non-musulman. Il en a fait un pilier de la religion, et c'est le pilier de la salat. Allah Azza wa Jal a donné à cette adoration une extrêmement grande importance. Il l'a ordonné d'au-dessus des cieux. Contrairement aux autres ordres et aux autres règles et aux autres adorations qui ont été légiférées par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, sauf la salat, elle a été ordonnée à Allah Azza wa Jal, à son messager, lors de la nuit de Al-Mi'raj, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son ascension au plus haut des cieux, et lorsqu'il est arrivé à Sidratil Muntaha, et que Allah Azza wa Jal lui a ordonné les prières à établir 5 fois par jour pour cette Ummah. Et c'est ce qui nous montre en même temps la grande importance de la salat, puisqu'elle a été révélée et ordonnée d'une manière différente et particulière. Et c'est une des premières obligations qui ont été ordonnées aux musulmans d'établir. Elle a même été ordonnée avant la hijra, à Mecca, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque, 2 ans avant la hijra. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré l'importance de la salat dans ses paroles et dans ses actions. Il a incité les croyants à garder la prière et à respecter les heures de la prière. Et il suivait même ses compagnons, à savoir, lorsqu'ils étaient absents lors de la prière en groupe, ils demandaient, est-ce qu'un tel est présent? Est-ce qu'un tel est présent? Et si l'un d'entre eux était absent longtemps, il demandait à son sujet, il demandait à propos de sa santé, il demandait est-ce qu'il était malade, est-ce qu'il y a quelque chose avec lui, un problème. Donc ça c'est l'exemple aussi et l'importance de la salat aussi. Et la raison pour laquelle on l'a pris en congrégation, c'est justement aussi pour avoir cette relation entre nous dans cette adoration importante qui est le pilier, un des plus grands piliers parmi les piliers de la religion de l'islam. Et lorsque les croyants se réunissent pour établir cette adoration-là, eh bien, cela repose leur âme de toutes les fatigues de cette dunya. Et c'est une expiation pour eux aussi de tous les péchés qu'ils ont pu subir ou commettre dans cette dunya lorsqu'ils sont plongés dans leurs activités et dans leurs occupations quotidiennes. Le commerce et le travail et les études et les responsabilités, ils prennent ce temps pour venir se recueillir et adorer leur Créateur et reposer leur âme pour se ressourcer et repartir encore par la suite à leur travail après s'être rempli d'énergie et de foi par cette adoration-là. Donc, c'est la mosquée qui joue un peu comme le rôle du poumon de la société musulmane, dans laquelle les croyants viennent se remplir de foi, se remplir de miséricorde et retourner par la suite dans la société pour continuer leurs occupations et leur travail, tout en se rappelant d'Allah Azza wa Jal, en attendant la prochaine salat. Donc il y a le fait que le croyant reste toujours accroché au rappel d'Allah et à la prière et au rappel de son Créateur. C'est donc un repos. Et c'était la prunelle des yeux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il m'a été aimable de votre dunya. Parmi les choses que j'ai aimées dans cette dunya, le parfum et les femmes. Et il a dit, et j'ai trouvé la prunelle de mes yeux dans la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une chose le préoccupait et qu'il avait des soucis à propos d'une chose, il se précipitait vers la salat pour trouver le réconfort et pour trouver les solutions à ses problèmes en implorant Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal. Fais qu'on se repose par cette prière, ya Bilal. Fais l'adhan, fais l'iqama, pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse trouver le repos dans cette salat. Et donc on voit exactement l'importance de la salat dans le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans son exemple. Et lorsqu'on voit la qualité de sa salat, c'est pas seulement le fait de faire la salat, mais comment on la fait aussi. Et la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le modèle le plus parfait de la prière, le modèle le plus parfait de la salat. On regarde par exemple dans les livres comme Sifat Salat al-Nabi, la description de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, un des plus merveilleux livres qui a été écrit pour décrire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment on doit faire la salat. Ce livre, chaque musulman devrait le posséder chez lui. Chaque musulman devrait le lire parce qu'il est basé que sur les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam du début jusqu'à la fin avec les hadiths et avec les explications. Et il y a les détails de chaque étape de la prière, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa salat, comment les sahaba l'ont décrit et comment lui-même l'a ordonné, comment il faisait son recours, comment était son qiyam, comment était sa récitation, comment était son recours, comment était lorsqu'il se relève du recours. Beaucoup de musulmans, lorsqu'ils se relèvent du recours, ils ne restent même pas une seconde debout. Ils font le recours, ils se relèvent, aussitôt ils se prosternent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se relève du recours, il prenait son temps. Il dit « Sami Allahu liman hamida, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi » Et il rajoute aussi d'autres parfois, d'autres rappels et d'autres invocations et d'autres glorifications. Et lorsqu'il est resté longtemps, assez longtemps pour que, il se trouve en repos dans cette position, il passe au prochain mouvement et il se prosterne. Et dans chaque position, dans chaque mouvement, il prend le temps de se reposer dedans. Hatta yatma'in, jusqu'à ce qu'il se sente en repos et en tranquillité dans ce mouvement-là. C'est pas une course qu'il faisait. Il n'est pas pressé pour terminer. Au contraire, c'est quand il prie qu'il est en train de communiquer, de parler avec Allah Azza wa Jal, d'adorer son Créateur. Donc, il n'est pas pressé pour terminer. Il prend son temps dans l'adoration d'Allah. Donc, ça, c'est important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il avait donné cette importance à la salat. Lui, ainsi que les prophètes avant lui, le prophète Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jal a mentionné les exemples à ce sujet-là. Ismaïl alayhi salam, qui ordonnait à sa famille de faire la salat et qui établissait la salat. De même que Moussa alayhi salam, et ainsi que Isa et tous les messagers, tous les prophètes. Il n'y a aucun des prophètes qui n'ont pas donné d'importance à la salat. Ça n'existe pas, un prophète qui ne donne pas d'importance à la salat. Et les prophètes, ils se prosternaient devant Allah Azza wa Jal, ils l'invoquaient, ils le glorifiaient, et ils priaient à Allah Azza wa Jal constamment. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui doit nous amener à la réflexion, à se donner des comptes à soi-même, à se poser des questions à soi-même. Où est-ce qu'on en est vis-à-vis de notre salat? Parce que si tu veux savoir ton niveau de foi, tu veux savoir est-ce que ta foi elle est correcte, est-ce que ta foi elle est à un bon niveau, eh bien analyse ta situation par rapport à ta salat. Où en es-tu par rapport à ta salat? Et où en es-tu par rapport au fait que tu préserves ta salat? Et là, si tu regardes ça, tu vas savoir où est-ce qu'elle en est ta foi. Où est-ce qu'elle est ta foi par rapport à Allah Azza wa Jal, en regardant qu'est-ce que tu fais dans ta salat. Et malheureusement, on constate que beaucoup d'entre nous, on a un manque. On a des manquements. Et beaucoup d'entre nous, on prend la prière comme un fardeau ou comme une charge lourde sur nos épaules. Et si on regarde, par exemple, certains cas de certaines personnes qui restent tard la nuit, à parler, à discuter ou à jouer. Et puis lorsque vient l'heure de la salat de Fajr, ils sont pas capables de se réveiller pour aller à la prière de Fajr. À la limite, s'ils le prient à la maison, hein, pour ceux qui prient à la mosquée, ça c'est un minimum de musulmans. Mais ceux qui sont à la maison et qui se lèvent pour faire la salat à l'heure, aussi ils sont une minorité. Sallallahu alayhi wa sallam. Surtout à notre époque, parce que les gens sont devenus habitués de veiller tard. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'Isha, il ne restait pas debout pour veiller. Hein? Il dormait plutôt. Également, regardez l'attitude des gens par rapport à leur salat lorsqu'ils travaillent ou lorsqu'ils font des études. Si quelqu'un il a réussi à trouver un emploi, il est tellement content, alors il ne va même pas se poser la question « Comment je vais faire pour aller faire ma salat ?»« Comment je vais faire pour aller faire salat al-jumu'ah ?» Et souvent, des gens ils viennent me voir, ils me posent la question « J'ai trouvé un travail, mais c'est à l'heure de l'jumu'ah, je ne peux pas venir, qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, subhanallah, pose-toi la question à toi-même. Est-ce que tu vas mettre ton travail au-dessus de la salat? Ou bien tu vas mettre la salat au-dessus de ton travail? Cherche la solution en toi-même. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit, بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرَةٌ. L'être humain, il est clairvoyant, il sait lui-même la réalité de qu'est-ce qu'il fait. Même s'il cherche à se donner des excuses à lui-même. Mais il est conscient au fond de son âme de qu'est-ce qu'il fait. Et que lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas correct, il le sait. Alors s'il le sait, pourquoi il cherche des excuses? Trouve une solution. Cherche la solution. Et celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah va lui remplacer par quelque chose de meilleur. Man taraka shay'an lillah, عوضه الله شيئا خيرا منه. Mais qui a vraiment confiance en ça? Allah Azza wa Jal, il dit: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Quiconque se préserve d'Allah, Allah va lui donner une issue facile et il va lui donner sa subsistance de là où il ne s'y attendait même pas. Allah t'a créé pour l'adoration. Il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc penses-tu que lorsque tu établis son adoration et que tu es sincère de vouloir l'adorer, penses-tu qu'il va t'abandonner? Penses-tu qu'il ne va pas t'aider? Si tu penses qu'il ne va pas t'aider dans ton risque, alors tu te trompes à propos d'Allah et tu as des mauvaises pensées à propos d'Allah. Alors pense du bien de ton Créateur, sois optimiste vis-à-vis de la miséricorde d'Allah et fais ce qu'il t'ordonne. Allah va te donner une issue de là où tu ne t'y attendais même pas. Quand tu vas à l'école, première chose que tu fais, et moi c'est ce que je faisais quand j'étais aux études, première session, j'arrive, je repère les classes vides, les couloirs, les endroits où il y a de l'espace, les endroits où je peux aller, je peux faire ma salat. Si je connais des gens qui étudient dans la classe ou dans l'école, avec moi, on se réunit, on peut prier en jama'a. On le fait. Et c'est facile, et si on met les efforts, il y a toujours une solution. Pour le Jumu'ah, tu peux demander à ton patron, tu lui dis, je dois faire ma prière de Jumu'ah. Alors il va te dire, est-ce que c'est possible de le faire pendant l'heure du dîner? Est-ce que c'est possible de le faire pendant la pause? Il y a toujours une solution. Mais le problème, c'est que beaucoup de musulmans, ils ont honte ou ils sont gênés de montrer leur religion. Ils ont honte de se faire connaître en tant que musulmans ou de faire savoir à leur entourage qu'ils sont musulmans. Hein? Alors que le fait de montrer ton islam et de donner de l'importance à ta salat au travail, à l'école, ou peu importe où tu es, c'est une forme de da'wah. C'est une façon d'inviter les autres à l'islam. Parce que lorsqu'ils vont voir l'importance que tu donnes à la salat, ils vont savoir que ça, c'est quelque chose qui a de la valeur pour toi. Et que même, ça a tellement de valeur que si tu peux pas établir ta salat, tu es prêt à démissionner pour pouvoir la préserver, cette salat. Alors, quand cette personne-là, qui est kafir, qui croit que à la dunya et que à l'argent, voit qu'une personne abandonne quelque chose comme ça pour Allah et pour sa salat, ça va lui faire réfléchir. Peut-être même que ce sera une cause pour qu'il se convertisse à l'islam. Alors tu auras aidé une personne à accepter la foi ou à être guidé vers la foi. Donc pense à ça la prochaine fois que tu es dans cette situation. Et que dans ce bas monde, chacun a son test. Et chacun a son épreuve. On n'est pas l'imam Ahmad. On n'est pas comparable à l'imam Malik ou à des grands imams et parmi les grands ulama de l'islam qui ont fait des sacrifices pour Allah que nous on ne fera jamais, ou comme les sahaba. Mais on a nos petits tests à nous sur le plan quotidien et dans notre religion et dans notre vie de tous les jours. Tout ça, ce sont nos tests à nous. Et si on réussit à passer ces épreuves et ces tests-là, eh bien, Allah il nous récompensera pour notre effort. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner le tawfiq dans ce bas monde et dans l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم